que je célèbre un mariage que je ne connaissais pas les gens avant. Habituellement, je les ai connus une longue période de temps avant. Et je me demandais quelle différence ça ferait entre moi et les mariés, le fait de, que je ne les connaissais pas plus que... Lui, je le connais un petit peu depuis quelques mois, qu'on se rencontre, peu un an, qu'on se voit ici de temps en temps. Mais je connaissais sa sœur depuis longtemps, Annie. Je t'ai surpris de voir tout à l'heure ici. Depuis, j'ai joué au badminton avec elle pendant 4 ans à la sœur. Bon, voici, toute ta vie est dévoilée dans ce sens-là. Donc, on est réunis ensemble parce que Romance et Louis veulent prendre Dieu à témoin de leur alliance. Et c'est ce que nous allons faire ensemble, demander à Dieu conseil, à Dieu de nous dire un mot de sagesse pour leur mariage. Et cette semaine, pendant que je me préparais, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise à moi il y a 37 ans? Ça fait 37 ans cette semaine que je suis marié. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais aimé me faire dire, moi, il y a 37 ans? C'est ce que je vais vous dire. Je n'aurais pas dit que ça va vous aimer ça, mais c'est ça que j'aurais aimé, moi, me faire dire. Mais vu qu'on a une chose en commun, qui est notre foi, je crois que c'est sûr que vous allez aimer ce que je vais vous dire. Parce qu'on a le même Dieu et la même foi. Cette semaine, j'étais en train de parler avec mon voisin qui me parlait de ma voisine. Vous connaissez ça, les voisins et les voisines, on fait ça des fois. Mais le voisin, c'était mon frère, et la voisine, c'était ma sœur. Donc, on était en famille et on se parlait. Et ça allait mal dans la journée de ma voisine. Ça allait pas bien. Il y a toutes sortes de problèmes qui sont venus dans la journée. Et elle a répondu, elle dit, c'est parce qu'on n'a pas pensé assez positif ce matin en se levant. Si on avait été plus positif, les choses négatives se seraient éloignées. J'ai pas pu retenir ma langue. Et j'ai dit, tu prends l'inverse de ce que le Seigneur Jésus a dit. Le Seigneur Jésus a dit, il faut commencer par le négatif si on veut trouver du positif. Et notre société tend à nous dire le contraire. Mais Jésus lui a dit, comme ceci, si tu meurs à toi-même, tu vas commencer à vivre. C'est assez drôle à dire, mais c'est ça que Jésus a enseigné. Jésus dit, si tu déclares être aveugle, tu vas commencer à voir clair. Donc Jésus allait du négatif vers le positif, et non pas essayer de chasser le négatif par le positif. Mais il faut l'admettre, le négatif, et ensuite le positif s'installe. Et c'est ce qu'on va faire après-midi. Donc, on va aller dans le négatif pour finir avec du positif. Et je crois que c'est du positif qui est merveilleux, qui vient de la part de Dieu. Donc, j'aimerais qu'on commence en lisant un texte qui est devenu une mode depuis une vingtaine d'années, très fréquent dans les cérémonies de mariage et dans d'autres occasions aussi, sur un passage de la Bible qui est intitulé... Le chapitre de l'amour, donc ça va de soi dans un mariage qu'on parle de l'amour, mais on va voir un petit peu la différence entre ce que la Bible appelle l'amour et ce que le monde appelle l'amour. C'est un peu différent, et je dirais même un peu beaucoup différent, mais on va voir ce que Jésus lui dit de ce texte-là. Donc on va le mettre à l'écran, et je vais me reculer un petit peu pour que tout le monde puisse le voir, et je vais le lire tranquillement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous les biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. On va arrêter là pour le moment. Donc, si on veut trouver, vous avez probablement déjà entendu l'expression « l'amour avec un grand A ». Qui a déjà entendu l'expression? Lui, votre main. À peu près tout le monde a déjà entendu, vous l'avez peut-être déjà dit. Mais des fois, on dit qu'on a trouvé l'amour avec un grand A, puis quelques temps après, on l'a perdu, pour une raison quelconque. Donc moi, ce que j'aimerais vous parler cet après-midi, c'est l'amour avec un grand D. Je ne vous dirai pas c'est quoi le D avant la fin. Essayez de le deviner. C'est quoi ce grand D-là? Mais je vais vous parler de cet amour avec un grand D. Et pour trouver l'amour avec un grand D, il faut d'abord, selon le texte qui est dit ici, croire que c'est vital cet amour-là. Croire que je suis rien sans cet amour-là. C'est ce que l'auteur, aussi l'apôtre Paul, dit, que si j'avais tout ce que je voudrais, si je possédais tout ce que je rêvais, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. J'ai manqué le bateau. Il y a un homme que j'écoutais, c'est pas tellement longtemps, qui chantait, il disait, l'important, c'est pas de réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. C'est pas important tout ce que je peux accomplir. Parce qu'il dit ici, même si je ferais des grandes choses jusqu'à donner ma vie, si je n'ai pas l'amour, je suis un gros zéro. J'ai manqué ma vie. Donc l'auteur il nous dit, si tu veux découvrir l'amour avec un grand D, il faut que ça soit la priorité de ta vie. Sans ça, nous n'allons pas la trouver. Mais il me semble que j'entends des gens qui répondent à Paul, ou peut-être des gens ici dans la salle qui disent, moi j'en ai de l'amour, moi je sais c'est quoi l'amour là. Moi j'aime les gens autour de moi. L'apôtre Paul, pour passer son message, il va définir l'amour. Il va définir c'est quoi l'amour. Et j'ai pris cette définition dans la Bible, et cette semaine j'ai été voir à peu près 14 dictionnaires et encyclopédies différents. Pas un disait cette définition-là. On avait toutes d'autres définitions de l'amour que celle que la Bible la donne. Donc, la plupart des dictionnaires faisaient un égal entre l'amour et la sexualité. La plupart des dictionnaires que j'ai été lire. Mais on va voir dans le texte ici qu'on va lire qu'il n'y a aucune mention de la sexualité. C'est rien de mal, la sexualité. Non, c'est le contraire, c'est bien la sexualité. Mais ça, la sexualité n'est pas l'équivalent de l'amour. Donc, on va lire la définition que Paul donne de l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne se rit point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Ça, c'est la définition que Paul donne, que Dieu donne de l'amour. Et je peux vous dire honnêtement, il y a 37 ans, quand j'ai dit oui à ma femme, je n'avais pas ce genre d'amour-là. Je suis obligé de l'admettre, je ne l'avais pas. Je ne l'avais pas. Ce que je disais à ce moment-là, c'était plutôt la passion, le désir, l'excitation. C'était pas ça. Et les années l'ont prouvé, ça peut être long. Que j'avais pas ce genre d'amour-là. Ça fait pas bien, bien des années que j'ai découvert l'amour. Ça fait pas bien, bien des années que j'ai découvert l'amour dans ma vie. Et c'était bien différent après de vivre. Et j'aurais bien aimé comprendre cela avant que je commence ma relation. Ça nous aurait donné de jouir plus de notre relation entre les deux. Mais il vaut mieux tard que jamais. Hein? Donc, ça fonctionne, ça fait 37 ans, on continue. Puis je crois personnellement, je crois par la grâce de Dieu, que si Dieu me donne un autre 37 ans, je vais aimer plus ma femme que les premiers 37 ans. À cause de ce que je vais vous dire dans les minutes qui vont suivre. Écoutez bien. C'est important. C'est vraiment important qu'on comprenne ça si on veut connaître ce genre d'amour qu'on appelle l'amour avec un grand D. pour maintenant définir cet amour-là, pour voir comment est-ce que l'être humain peut arriver à aimer comme cela, on va voir ce qu'un autre auteur de la Bible a dit. La plupart des gens que j'ai parlé depuis que je fais ce travail-là, de travailler avec les gens, avec les couples, depuis une trentaine d'années, les gens viennent souvent me voir pour me dire que leur conjoint ne les aime pas assez, ou qu'ils ne les aiment pas, ou qu'ils ne les aiment plus. La plupart des gens sont prêts à dire qu'ils ne sont pas capables d'aimer comme le texte le dit ici, complètement. Mais ils ne sont pas prêts à dire qu'ils ne sont pas capables du tout d'aimer comme cela. Et j'essaie de les convaincre. Dans les temps que j'ai avec eux autres, j'essaie de les convaincre, premièrement, qu'ils ne sont pas capables d'aimer comme cela. Il faut aller dans le négatif. Je vous l'ai dit, il faut aller dans le négatif avant d'arriver au positif. Si tu n'es pas capable de dire « Je n'ai pas en moi l'amour », tu ne pourras pas avoir l'amour. Tu ne pourras pas commencer à aimer. Comme si tu ne meurs pas à toi-même, tu ne peux pas commencer à vivre. Vraiment. Donc, on va aller voir dans un autre texte qu'est-ce que l'auteur dit pour pouvoir avoir cet amour avec un grand D. Donc, on va lire un passage dans l'Épître de Jean, au chapitre 4, à partir du verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, parce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Qu'est-ce que l'auteur dit ici? Il dit que l'amour est de Dieu. L'amour n'est pas, ne prend pas sa source dans le cœur humain. Moi, je croyais que oui, il y a 37 ans, que l'amour, ça sortait de moi, cette affaire-là. C'était en moi. Mais il dit, c'est que l'amour tire sa source de Dieu. Et que ceux qui sont nés de Dieu peuvent aimer de cet amour qu'on a lu tout à l'heure. Ceux qui sont nés de Dieu peuvent aimer d'une façon spéciale, d'une façon avec un grand D, d'une façon divine, d'une façon que Dieu veut qu'on aime. Et il dit au verset 8 à la fin, « Car Dieu est amour. » Dieu est le seul qui n'a pas besoin d'apprendre à aimer. Il est le seul qui n'a pas besoin d'être connecté à l'amour pour pouvoir aimer. Dieu aime parce que lui, il est amour. Nous, pour aimer, il faut être connecté à l'amour. Il faut qu'on y aille tirer cet amour-là de quelqu'un d'autre, qui est la personne, ici dans le texte, de la personne de Dieu. Remarquez bien, il y a une chose qui est intéressante. C'est là le clou. Si vous m'avez suivi, c'est là le clou. C'est que le verset, il dit ici, c'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés. Il dit ça au verset... excusez. Au verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. C'est pas nous qui avons commencé à aimer Dieu, mais c'est Dieu qui a commencé à vous aimer pour que vous puissiez l'aimer. C'est pour ça la grande preuve pour moi qu'on n'est pas capable d'aimer en tant qu'être humain. On essaye, on voudrait bien, mais on ne réussit pas. C'est pour ça qu'on connaît toutes les difficultés qu'on connaît dans notre société. Mais Dieu dit, « Moi, je vais t'aimer, et à cause que je t'aime, tu vas pouvoir m'aimer. » Mais si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne peux pas m'aimer. Tu ne peux pas m'aimer. Il faut que moi, je me connecte à toi, je te donne l'amour, et là, tu vas pouvoir m'aimer. Et là, je vais te dire quelque chose, Louis. Je vais te dire quelque chose aussi, Romance. Si un bon matin, tu voudrais que ta conjointe ou ton conjoint t'aime davantage, il faut que tu fasses juste une chose. Si tu veux que ça l'arrive, dis-lui combien Dieu l'aime. Demande-lui pas de t'aimer plus. Fais juste lui dire combien Dieu l'aime plus qu'elle peut s'imaginer. Et elle va t'aimer davantage. Mais si tu lui dis, comme je fais pendant des années, qu'elle devrait m'aimer plus, que je m'attendais à plus, où elle me disait, « Me semble que j'aimerais que tu m'aimes, et ça ne change rien. » Mais quand on a commencé à se dire mutuellement qu'on était aimé de Dieu, l'amour s'est développé. D'une façon qu'on n'aurait jamais pensé. Jamais pensé. Donc, plus on veut aimer quelqu'un, plus il faut qu'on comprenne à quel point on est aimé de Dieu. Donc, je vous souhaite de tout mon cœur que vous parliez mutuellement, non pas de votre amour, mais de l'amour que Dieu a pour vous. Et automatiquement, vous allez vous aimer toujours plus. Toujours plus. Prions ensemble. Notre Père du ciel, comme le texte vient de le dire, tu es la source de l'amour, tu es amour, et quiconque veut aimer doit être né de toi. Quiconque veut aimer avec un grand D doit être connecté à Dieu de façon quelconque. Et nous savons que nous sommes connectés à Dieu quand nous aimons Dieu. Nous te remercions, Père éternel, d'avoir aimé Romance. Nous te remercions d'avoir aimé Louis. Nous te remercions que, comme le texte disait, que tu as envoyé ton Fils pour eux, afin qu'ils puissent aimer. Je te prie, Seigneur, que tu puisses, quand nous ne voyons pas l'amour, quand nous espérons l'amour, quand nous désirons aimer plus, qu'on puisse s'arrêter et de méditer sur ton amour pour nous, afin qu'on puisse t'aimer toi davantage et d'aimer les gens autour de nous d'un amour qui vient de toi. Nous te demandons de bénir ce mariage d'un amour divin. Au nom de Jésus. Amen.